Les chasseurs de nazis. Chapitre 5, les dessous de la traque. Premier épisode. C'est à Berlin que je vous conduis dans la nuit du 1er au 2 mai 1945, dans une ville anéantie, une ville qui brûle, une ville qui n'est que ruine, une ville qui est une scène de l'apocalypse. 1970. La télévision française a deux chaînes de télévision, les deux en noir et blanc. Peu importe, ce que s'apprête à raconter l'homme tronc qui fait office d'historien officiel de l'ERTF, je veux parler d'Alain Decaux, est une histoire haute en couleurs. Et là, dans la nuit, dans le tunnel du métro, il y a des hommes qui marchent. C'est un groupe d'évadés. D'évadés du fameux bunker d'Adolf Hitler. Vous savez qu'Hitler avait fait construire à 15 mètres sous la terre, 15 mètres de béton, un bunker à l'épreuve des bombes. Et que Hitler s'était donné la mort lorsque les Russes avaient approché, exactement le 30 avril 1945. Et là, dans le bunker, avaient survécu les derniers amis d'Hitler, c'est-à-dire Joseph Goebbels, c'est-à-dire le général Krebs, c'est-à-dire Martin Bormann. Et Krebs s'était donné la mort. Et Goebbels, ne voulant pas survivre à son Führer bien-aimé, s'était donné la mort. Il avait entraîné avec lui sa femme et ses 6 enfants. Mais Bormann, qui est Bormann? L'euthanasie des aliénés, c'est Bormann. L'anéantissement des élites polonaises, c'est Bormann. Nuit et brouillard, l'anéantissement des juifs d'Europe, c'est Bormann. L'anéantissement des tziganes, pourquoi les tziganes? C'est Bormann. Bormann est là chaque fois qu'il y a un massacre à perpétrer. Bormann, c'est l'homme qui a le plus de sang humain sur les mains. La petite bande de fuyards dira avoir vu Bormann renversé par l'explosion, étendu, inanimé sur le sol, mort. Et ils répandront le récit de la mort de Bormann. Et pour beaucoup d'entre vous, ce récit demeure vrai. Eh bien, il est faux. Bormann disparaît à Berlin, dans les ruines de Berlin. Et donc, Staline a entre les mains un dossier qui conclut de manière irréfutable à la mort de Bormann. Yvonique de Noël, historien du renseignement. Il le met sous le coude et il interdit qu'on le diffuse, y compris au sein des services soviétiques. C'est-à-dire qu'il préfère que l'on continue à fantasmer et à chercher quelqu'un qui en réalité est déjà mort. Ça l'arrange. On a laissé dire, voire fait dire, qu'il était toujours vivant, caché quelque part en Amérique du Sud et qu'il préparait une espèce de grand retour des nazis. Force est de constater aujourd'hui que ça ne repose sur rien. C'est-à-dire qu'on n'a aucun élément aujourd'hui permettant de dire que Bormann s'est enfui de Berlin, a été en Amérique du Sud et a fait quoi que ce soit. On n'a absolument rien. Il n'y a pas la moindre archive qui permette de dire ça aujourd'hui. Donc pour les historiens sérieux, c'est une affaire classée, même si vous aurez encore dans 10 ans, dans 20 ans, des gens qui continueront de fantasmer là-dessus. Vous avez des tas d'exemples comme ça, d'enquêteurs qui se sont fourvoyés, souvent de bonne foi d'ailleurs, mais à qui on a pu dire « oui, j'ai vu il y a 8 ans quelqu'un qui ressemblait beaucoup à un tel, etc. » Donc on est dans une espèce de nébuleuse où finalement tout a concouru à créer un grand brouillard. Et puis aussi, il faut dire, c'était un matériau romanesque extraordinaire. Et pour les grands médias populaires du monde entier, c'était formidable. Vous étiez un éditeur aux États-Unis dans les années 60 ou 70, un journaliste d'apparence sérieux venait vous voir en disant « je vais passer 3 ans en Amérique du Sud à chercher des anciens nazis ». Vous sortiez votre carnet de chèques, vous faisiez un gros chèque et zou, c'était parti. Miller atteignit Vienne dans le milieu de l'après-midi de ce 3 janvier. Sans prendre le temps de choisir un hôtel, il gagna directement le centre de la ville et demanda la place Rudolf. Le centre de documentation était installé au 3e étage. Il monta l'escalier et alla frapper à une porte peinte de couleur crème. Derrière, quelqu'un l'observa par le judas, puis il entendit tourner le verrou. Une jolie blonde se tenait sur le seuil. « Vous désirez ?»« Mon nom est Miller. » Extrait du roman de Frederick Forsyth, paru en 1972 et intitulé « Le dossier Odessa », dans lequel l'écrivain britannique apparaît sous les traits du journaliste Peter Miller. « J'aimerais parler à Herr Wiesenthal. J'ai un mot de recommandation pour lui. » Il sortit l'enveloppe de sa poche et la tendit à la jeune fille. Elle la considéra d'un air indécis, puis avec un bref sourire, le pria de bien vouloir attendre. Vous avez le cas très dérangeant du célèbre chasseur de nazis Simon Wiesenthal, qui a bénéficié d'une aura extraordinaire pendant plusieurs décennies et dont la recherche récente montre aujourd'hui qu'il y a beaucoup de contradictions entre ce qu'il a pu affirmer et puis la réalité, encore une fois, des archives et de ce qu'on sait aujourd'hui. Donc aujourd'hui, un personnage comme Simon Wiesenthal, les historiens universitaires sérieux mettent beaucoup en cause son rôle. Je pense par exemple à l'américain Guy Walters dans son livre « La traque du mal » en disant « mais Simon Wiesenthal a souvent menti ». À la fois sur les informations qu'il avait et sur ses propres agissements et sur ses propres mérites. Entrez, je vous prie, dit Simon Wiesenthal. Il était plus grand que ne l'avait pensé Miller. Massif, carré, plus d'1m80. Il portait un veston de tweed laineux. Légèrement courbé en avant, il donnait l'impression d'être en permanence à la recherche d'un papier égaré. En face étaient accrochées des attestations et des témoignages d'une douzaine d'organisations diverses, groupant d'anciennes victimes des SS. Miller s'assit dans le fauteuil disposé devant le meuble. Wiesenthal alla reprendre sa place de l'autre côté et relut la lettre d'introduction. Lord Russell m'écrit que vous essayez de traquer un ancien tueur SS. C'est exact. Et pouvez-vous me dire son nom ? Edward Rochman. Simon Wiesenthal haussa les sourcils. Le boucher de Riga, un des 50 que je recherche le plus activement. Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous dites sur la matière romanesque, c'est que Simon Wiesenthal rencontre Frédéric Forsyth, lui donne quasiment le scénario de son livre sur Opération Odessa. Simon Wiesenthal commença à lui relater l'histoire de Rochman depuis le 8 janvier 1948. Il avait été convenu entre les autorités britanniques et américaines qu'après avoir fait sa déposition à Dachau, Rochman serait transféré dans la zone britannique d'Allemagne, sans doute à Hanovre, pour y attendre son jugement et une condamnation pratiquement certaine à la pendaison. Alors même qu'il était emprisonné à Graz, il avait tout de même songé aux moyens de s'évader. Il avait pris contact avec une filière d'évasion nazie très active en Autriche, l'étoile à six branches, sans rien à voir avec le symbole juif, mais ainsi nommé parce que cet organisme avait des antennes dans les six agglomérations les plus importantes d'Autriche. Frédéric Forsyth, lui-même nourri des informations des services secrets britanniques, en fait un roman. Frédéric Forsyth est un excellent romancier d'espionnage. Il a lui-même eu une première vie dans l'espionnage britannique. Il a, par exemple, écrit avec Chacal un livre sur les tentatives d'assassinat de l'OS contre De Gaulle qui est extrêmement bien documenté et qui tient encore le coup aujourd'hui quand on le relit, tout simplement parce qu'effectivement les services secrets britanniques lui ont donné beaucoup d'informations sur ce qui se passait réellement dans ces tentatives de l'OS. Sur l'affaire Odessa, il s'est fait balader. Ensuite, durant 2 heures, Wiesenthal parla à Miller d'Odessa depuis les débuts de l'organisation, destinée à protéger les criminels de guerre pourchassés, jusqu'à son extension en une sorte de franc-maçonnerie unissant tous ceux qui avaient porté le col argent et noir, leurs acolytes et leurs séides. Enfin, cette espèce de confrérie nazie, ça n'a jamais existé non plus. Il faut être clair, il y a eu des solidarités. Ceux qui se savaient trop connus pour échapper longtemps aux recherches s'enfuirent à l'étranger. Ainsi naquit la filière Odessa. Constituée juste avant la fin de la guerre, elle s'était fixée pour objectif de faire évader d'Allemagne les SS recherchés. Déjà, elle avait établi des rapports étroits et amicaux avec l'Argentine de Juan Perón, qui avait fourni 7000 passeports argentins en blanc, en sorte que les réfugiés n'avaient qu'à y inscrire un faux nom, y ajouter une photographie et le faire timbrer par le consul d'Argentine, éternellement disponible, avant de s'embarquer pour Buenos Aires ou le Moyen-Orient. Des milliers de criminels SS descendaient ainsi vers le sud par l'Autriche et dans la province italienne du sud Tyrol. Hébergés d'abri en abri, un grand nombre se rendaient à Gênes, d'autres allaient plus au sud, jusqu'à Rome et Rimini. Plusieurs organisations dites de charité pour les sans-ressources et les dépossédés, se fondant sur des preuves entièrement nées de leur imagination, soutinrent que les réfugiés SS étaient impitoyablement traqués et maltraités par les Alliés. Son roman et le film qui en ont été tirés ne tiennent plus du tout debout aujourd'hui. Et effectivement, force est de constater aujourd'hui que ça ne repose sur rien. À demain. pour la suite des Chasseurs de nazis, une histoire racontée par Jean-Philippe Navarre et Michel Pomarel.